Même si ce tracteur roule doucement, il serait suicidaire de suivre le véhicule gris pour dépasser. Pour dépasser en sécurité, il faut être certain que personne n'arrive en face. Réponse B.